que j'ai le cœur triste. Je sens que je suis pas fait pour cette vie. J'ai plus aucun contrôle sur le pont, est-ce qu'on saute? Elle m'a dit c'est ce qu'il faut pour être libre. Je me sens comme Ian Curtis, dis-moi que j'ai le cœur triste. Je sens que je suis pas fait pour cette vie. J'ai plus aucun contrôle sur le pont, est-ce qu'on saute? Elle m'a dit c'est ce qu'il faut pour être libre. Sur ses paupières, j'ai les miens, elle aussi a ses problèmes. Elle veut se faire du mal, elle veut que je coopère. Viens, on va s'oublier dans un motel. Tout ce qu'on a construit n'est qu'un mensonge, tu sais. Sobre, on ne s'aime pas. Pourquoi tu crois que tu penses à moi seulement quand il fait froid? Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Prends-moi la main, nourris mon cœur, donne-moi le sein. Je me sens comme Ian Curtis, dis-moi que j'ai le cœur triste. Je sens que je suis pas fait pour cette vie. J'ai plus aucun contrôle sur le pont, est-ce qu'on saute? Elle m'a dit c'est ce qu'il faut.